Et le but est toujours de créer un effet de réel, et c'est une notion qu'on avait inventée la fois dernière. Donc un effet de réel, c'est-à-dire procurer un maximum de détails. Souvenez-vous de la citation de Mark Cramer, « The truth is in the details of our lives ». Donc la vérité, elle est dans le détail de nos vies. C'est dans les petits détails, les observations que l'on fait sur le milieu où vient quelqu'un, sur son biotope, que l'on va trouver des traces de vérité. D'accord ? C'est la manière dont un décor se présente, ou comment une personne se présente à vous, que vous allez trouver des détails qui vont en dire long sur sa personnalité. J'avais, je pense, aussi évoqué il y a quelques semaines Tom Wolfe, voilà, qui parlait de statusphere. Il essaie de créer a statusphere, donc un univers où on peut comprendre le statut des personnes à partir des détails de la description de leur physique, de leur environnement. Donc, effet de réel qui, justement, renforce l'idée de vérité. Donc, je vous ai mis entre parenthèses la référence à Barthes pour les effets réels. Vous aurez le texte qui en parle. À Cramer, qui insiste sur l'importance d'écrire tous les petits détails qui permettent de vraiment croquer le personnage. Et Conover, je vous cite un exemple, parce que je vous ai répété pour la 50e fois, donc c'est un journaliste qui a passé la frontière avec des Mexicains. Il a travaillé avec des Mexicains. Donc, Ted Conover, il les a suivis, il était travaillé dans des champs où se trouvaient des orangers. Il a pu constater que les ouvriers n'étaient absolument pas protégés, qu'ils utilisaient des produits toxiques. Donc, il vous parle des effets sur sa peau, sur son mental, sur son physique. Donc, il est complètement immergé dans l'expérience. Même s'il n'est pas mexicain, Ted Conover, c'est un petit blond aux yeux bleus. Donc, il ne pouvait vraiment pas passer pour un mexicain. Et il a tout fait pour s'immerger. Il a appris la langue et il est devenu l'un des leurs. Il les a aidés parfois. Parfois, c'était utile d'être un Américain avec ses Mexicains. Ça a facilité certains rapports avec la police. Parfois, c'était plus compliqué. Donc, voilà, un engagement énorme qui fait que, à travers son corps, à travers ses sensations, le journaliste peut aussi témoigner d'une situation insupportable ou qui doit être dénoncée. Compétence double du journaliste, deuxième point. Donc, il y a un engagement émotionnel vis-à-vis des sources. Pour vous intéresser, par exemple, à la vie des Mexicains qui prennent des risques, il faut avoir une empathie, il faut avoir envie de participer à leur quotidien, de prendre les mêmes risques qu'eux. Donc, il y a une sorte de mimétisme social qui s'opère entre le journaliste et sa source. Ce qu'on appelle de la compassion aussi, donc une capacité de comprendre l'autre. Souvenez de la notion de fraternité dans le cinéma vérité, on la retrouve ici dans l'écriture vérité. Et la compétence, elle est double parce que non seulement il y a cet engagement émotionnel, mais aussi un engagement intellectuel. Donc Ted Conover, par exemple, il a appris l'espagnol pour vraiment pouvoir participer à l'expérience. Dans certains autres cas, les gens se forment à certaines pratiques pour pouvoir faire le reportage. Alors, Ted Conover, je vous parle toujours de cette expérience mexicaine où là, il n'a pas du tout caché son identité au groupe de Mexicains qui l'accompagnait puisque c'est un petit blanc. Mais par contre, pour son emploi, pour pouvoir faire son reportage en prison, comme gardien de prison, il a une toute autre stratégie d'immersion. Il a voulu rentrer comme journaliste, on lui a refusé l'accès, donc il a répondu à une invitation d'emploi. Ça a pris 3 ans. Il a pris 3 ans pour devenir gardien de prison et là, il a caché son identité. D'accord ? Et ça lui a posé problème parce qu'on on fait des liens au boulot. Hein. On a envie d'aller manger chez un pote qu'on a rencontré. Et lui, il devait mentir parce qu'il ne pouvait pas révéler son quotidien qu'il était comme journaliste. Et parfois, ça pose des problèmes. Il y a des journalistes à qui on en veut parce qu'ils ont menti sur leur identité. Il y a plein d'anecdotes à ce sujet. Donc, il y a toujours cette question morale de se dire quel est le risque à prendre ? Qu'est-ce que je vais laisser ? Qu'est-ce que je vais perdre ? Donc se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est plus que simplement un rôle de composition, ça peut aller très très loin au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau de l'engagement. Voilà, alors les différentes postures, on en a parlé tout à l'heure, fly on the wall, observation participante. Et donc la question éthique par rapport à la révélation d'identité du journaliste, elle est très très importante. À partir de quand est-ce qu'on révèle son identité? Et surtout, comment gérer cet engagement réciproque? Parce que vous allez avoir un effet peut-être sur vos sources, mais vos sources, elles vont aussi avoir un effet sur vous. Donc ce Ted Conover, qu'on a eu le plaisir d'avoir en classe il y a 2 ans, enfin ici c'était aux États-Unis, mais il est venu raconter son expérience aux étudiants, et il expliquait que jamais il n'était la même personne une fois qu'il avait terminé ce reportage. Donc il ne revient jamais vers son jeu, son moi initial. Il est toujours transformé. Donc il discute beaucoup avec sa femme et ses enfants avant de partir en reportage parce qu'il ne sait pas comment il va revenir. Transformé, émotionnellement. Et donc, he goes native, but when he comes back, il n'est pas tout à fait le Ted Conover qu'il était au début. Donc ça a un impact aussi sur la personne. Donc, cadrer la logique du don et du contre-don, c'est une belle question que pose aussi Éric Neveu en termes éthiques. Et il mentionne, pour conclure sa réflexion, le sociologue Loïc Vacan, que vous connaissez peut-être, aussi un Français, qui parle de l'expression « to go native », ok, devenez indigène, entre guillemets, mais revenez comme sociologue. Donc, « go native », but go native armed. Vous devez vous préparer psychologiquement à ce que l'expérience peut avoir comme impact sur vous-même. Mademoiselle, vous aviez une question. Oui, mais c'est pas en fait un peu dangereux l'engagement émotionnel pour un journaliste? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va voir ce qui peut se passer. Oui, parce que vous pouvez être complètement bouleversé, ébranlé. Et je vais vous parler d'ailleurs du cas. Vous aviez un cas en particulier en tête ou Non, mais je me dis que pour le papier qu'il va délivrer, enfin. Pour sa subjectivité, ça ne va tout pas... À fait, oui, parce que effectivement, à quel moment est-ce que vous restez encore objectif? Voilà, puisque vous-même, vous êtes... la subjectivité est assumée, et c'est une très bonne question, parce qu'à partir de quel moment vous vous laissez complètement embarquer par vos émotions, vous devez toujours revenir à votre métier de journaliste et faire la part des choses entre ce qui vous affecte, vous, profondément, et ce qui est finalement intéressant pour un public, et qui ne dépend peut-être pas de vous, de votre caractère, mais c'est une très bonne question, effectivement, parce que c'est avant tout du journalisme. Donc le journalisme, bon, on a vu que l'objectivité n'existait pas, mais quand même, on veut des faits réels, donc, être affecté peut vous permettre quand même d'avoir accès à une connaissance. Donc quand Ted Conover est affecté parce que physiquement il souffre de ne pas être protégé, qu'il utilise des produits toxiques pour cueillir les oranges avec les Mexicains, il est affecté dans son corps et ça lui permet d'accéder à une connaissance et d'informer son public que voilà, ça se passe comme ça. Mais ils vont passer par une expérience douloureuse. Mais effectivement, voilà, il y a des journalistes aussi qui sont parfois trop embarqués et vous allez voir, parce qu'on va parler du fameux scandale du gang rape, en Virginie, où une journaliste a complètement foiré son article. C'est bien simple, le magazine Rolling Stone doit payer 3 millions de dollars à l'Université de Virginie parce qu'ils ont publié une histoire qui était complètement fausse. Mais du coup, c'est ça, comment est-ce que le journaliste il revient en arrière et comment est-ce qu'il fait en fait? S'il est aussi impliqué et aussi. Oui, alors vous savez, Ted Conover, par exemple, il est anthropologue, il est ethnographe, donc il a beaucoup étudié justement les pratiques d'immersion, puisque en tant qu'étudiant, il avait suivi des hobos. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des gens qui sautent sur les trains aux États-Unis. Et il a fait son mémoire là-dessus, il s'est dit finalement, je voudrais avoir une expérience de hobo. Et donc il a rejoint un groupe, mais voilà, il a les outils méthodologiques. Enfin, vraiment, la question est très bonne parce que quand Loïc Vacan dit qu'il faut revenir. Go native armed, c'est armed de quoi? Armé de quoi? Mais de vos outils méthodologiques, de votre déontologie journalistique. C'est la déontologie, oui. Voilà. Donc ce sont vos armes. Ouais. Quand il dit armé, c'est pas que émotionnellement et psychologiquement, c'est aussi armé d'outils, de ce que vous avez appris à l'école du journalisme, de ce que vous avez appris dans les exercices. Voilà. Alors le rapport aux sources, puisque c'est le sujet de la leçon, on y arrive enfin. Parfois, il est vrai que le journaliste se laisse tellement embarquer que, voilà, il y a un débordement peut-être d'affection ou d'engagement. Vous parlez de l'engagement, le journalisme de l'attachement. On en parlera peut-être dans 2 semaines quand on parlera de texte-image, mais l'exemple de Darcy Padilla est intéressant. C'est une photographe qui a eu une bourse du Guggenheim Fellowship pour faire des reportages sur la pauvreté à San Francisco, le milieu de la drogue. Et elle a rencontré une jeune femme, Julie Baird, et elle l'a suivie pendant 21 ans. Et pendant ces 21 ans, cette jeune femme qui était junkie, elle a eu 5 gosses, on a pu assister à la déchéance, mais elle l'a suivie vraiment au quotidien, à un point tel que quand Julie est décédée, puisqu'elle avait le sida, Julie Baird a même souhaité adopter un de ses enfants. Vous voyez jusqu'où va l'empathie? C'est que votre vie se confond avec la vie de votre sujet, de votre source. Donc, son sujet s'est chaque fois resserré autour de Julie. Ça a commencé par un reportage sur les drogués de San Francisco. C'est intéressant de connaître son histoire parce qu'elle vient d'un milieu chicano. Donc, elle-même avait été fort rejetée quand elle était jeune, dans la blanche aux États-Unis. Et elle a toujours fréquenté des milieux sociaux parce que sa famille s'occupait de cas sociaux. Donc elle avait cette empathie à la base. Mais donc ça a pris des proportions énormes. Donc ça s'appelle le Julie Project. Vous pouvez le trouver en ligne. Ici vous avez l'introduction où elle explique « I hope you can't stop thinking about Julie's story. I hope it makes you feel. » Et chaque fois, une sensation. I hope it makes you look at the world differently. Donc, elle espère vraiment changer les gens en faisant appel aux émotions. Certains détestent ce genre de journalisme parce que pour eux, c'est une sorte de promotion, de pornographie de l'émotion, si vous voulez. On en fait trop avec la cruauté, la douleur des uns et des autres. Alors, malgré tout, c'est une journaliste qui est reconnue. Elle a eu, pour avoir le Guggenheim Fellowship, c'est quand même assez beau. Mais elle est vraiment dans la mouvance d'un autre photographe que vous connaissez peut-être, Eugene Smith, qui est un photographe très engagé, qui a révélé toutes sortes de scandales. Et donc elle a eu un prix, Eugene Smith. Et Eugene Smith était connu pour un reportage qu'il avait fait, Country Doctor. Il avait suivi donc les 5 campagnes. C'est le genre de reportage qu'on retrouve aujourd'hui dans la revue 6 mois ou la revue 21. C'est toujours les mêmes thèmes. La vie extraordinaire de gens ordinaires, un petit médecin de campagne qui s'illustre. Alors voilà quelques-unes des photos. Vous voyez, certaines sont vraiment touchantes parce que c'est une jeune maman est finalement décédée. Et vous voyez toute la déchéance avec le sida et puis cette image terrible à la fin. Oui, voilà, soit vraiment heurter les sensibilités. Et vous voyez l'évolution. Elle a donc fait son reportage, elle l'a mis en ligne. Et puis la revue 6 mois. Vous connaissez, qui est aussi produite par Antoine de Saint-Exupéry, a proposé la vie de Julie. Et puis, de fil en aiguille, elle a fait un bouquin qui est presque un album de famille, en fait, où elle a recueilli tout. Donc ça devient vraiment une histoire de famille, Family Love. Et les textes sont de Emmanuel Carrère, vous voyez, les croisements entre les traditions françaises et américaines. C'est Emmanuel Carrère qui a fait les textes. Et qui a donc transformé ce Julie Project en un véritable récit, une coopération entre une photographe américaine et un écrivain américain et un écrivain français. Donc, puisqu'on parlait des dérives, est-ce une dérive ou finalement est-ce une belle histoire? C'est l'empathie et jusqu'où elle peut aller. Alors, il y a des rapports aux sources qui sont particuliers aussi. Vous avez Truman Capote, jeune, pris en photo par Henri Cartier-Bresson ici. Ils ont voyagé ensemble d'ailleurs, la coopération a complètement floppé, on en parlera plus tard aussi. Truman Capote, lui, s'est présenté comme le premier à écrire un roman de non-fiction, non-fiction novel. Donc il est vraiment resté un auteur de référence, puisque à partir d'un fait divers, la mort d'une famille, donc l'assassinat plutôt de 4 personnes dans le Kansas, il a fait un roman de non-fiction, donc il a recréé tout un récit. Ça lui a pris 5 ans. Et pourquoi est-ce que je vous en parle ici? Au-delà du fait que voilà, il applique vraiment des techniques de roman non-fiction, des narrations parallèles, troisième personne, apparition unique de l'auteur en caméo, scène filmique, plan séquence. Je le mentionne parce que le rapport qu'il a eu aux sources était un peu moins troublant, puisqu'il a presque eu, enfin certains disent qu'il avait une liaison avec un des assassins, tellement ils étaient proches et tellement il s'est attaché à l'un des deux protagonistes. Donc pour vous rappeler un petit peu juste, bon, le contexte de ce récit, ce qu'on peut appeler la connivence en ce cas-ci, puisque Truman Capote a même aidé le responsable, le meurtrier en prison, en allant voir, en aidant à trouver un avocat. Vous voyez, là, vraiment, on dépasse les limites de la déontologie. Donc, De sang-froid a été écrit en 65, alors que le fait divers a eu lieu en 59. Truman Capote est un écrivain célèbre. Donc, il y a une relation d'amitié, voire intime, entre l'auteur et l'une de ses sources, le fameux Harry Smith, qui est celui qui a tué les quatre membres de la famille. L'autre, c'était le cerveau de l'histoire, et c'est Harry Smith qui les a tués. Donc, il permettra à Capote de lui soutirer un maximum d'informations sur le meurtre de la famille Plotter. Donc, le fait d'être aussi proche, ça lui permettait d'avoir plein d'infos pour pouvoir rédiger un récit palpitant. Et vous voyez que Capote va l'aider à trouver un avocat, va lui promettre de l'aider. À un moment, il se laisse mourir de faim, il va aller en prison le nourrir. Donc vraiment, l'investissement émotionnel sera énorme pour Perry Smith. Perry Smith lui confiera des éléments essentiels sur sa personnalité. Il y a tout un chapitre, si vous avez lu De sang-froid, qui est le portrait psychologique de Perry Smith, et l'information est de première main. Mais surtout, vous voyez, ça c'est vraiment une réflexion qui interpelle, parce que Capote montre des extraits de son livre à Smith. Donc pendant qu'il écrit son bouquin, avant même l'exécution des deux assassins, il va montrer les extraits. Et ils vont avoir des réactions différentes. Donc il va le montrer à Smith, avec qui il est particulièrement lié, et à Hickok, le cerveau. Donc, tous les deux auront la peine de mort. Et Hickok, lui, il va essayer de manipuler Capote en lui demandant de changer certains passages pour essayer d'avoir une incidence sur le jugement. Vous voyez jusqu'où ça va. Et par contre, Smith, il va lui dire « Je tue quatre personnes et toi, tu écris une œuvre d'art. » Et ça, évidemment, ça interpelle parce que c'est exactement ça qui se passe. Il y a un meurtre et finalement, Capote va avoir la gloire grâce à ce bouquin. Et Perry Smith, il en est très conscient. Il dit « Moi, j'ai fait ça dans ma vie, ça m'a... Voilà, je suis dans une impasse et toi, tu vas faire une œuvre d'art. » Alors, il y a peut-être juste le... le lien, est-ce qu'il fonctionne? Vous avez vu ce film? Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, parce que c'est d'abord la performance de l'acteur que vous aidez, est vraiment incroyable. Il incarne Capote à merveille. Et au début du film, vous voyez qu'il découpe le fait divers dans le journal. Je vais voir si ça marche ou pas. C'est juste le trailer. Upside down. Kansas Bureau of Investigation, KBI. But we're not looking for any inside information. I don't care if you catch whoever did this. I care. Because since I was a child, folks have thought they had me pegged because of the way I talk. They're always wrong. You will be stunned by Perry Smith. You took care of you as a child. Orphanage. It's as if Perry and I grew up in the same house. He stood up and went out the back door, while I went out the front. Guilty. What is the sentence? Death. May I think how good my book can be? I can hardly breathe. He'll be dead by September. I'm going to help find you a proper lawyer. Thank you. His brother and his sister killed themselves. Did you tell him your mama did the same thing? If those boys get off, I'm coming to Brooklyn to hunt you down. They're dirty. Mm-hmm. le film contient de Julie Pern, dans le sens où là, Chapoli est présent à tous les moments de l'intrigue, tandis que dans le livre, vous n'avez pas du tout la présence de l'auteur, sauf à la fin en caméo. Donc, c'est une démarche très problématique, évidemment, parce qu'on voit comment l'auteur s'est investi dans cette relation avec sa femme. Alors, un exemple qui est moins connu, mais je le cite quand même, c'est John Percy. John Percy, il est très connu pour un texte qui s'appelle Hiroshima. Quand la bombe a été lancée sur Hiroshima, on a eu évidemment, c'était un événement incroyable, puisque bombe atomique, on ne connaissait pas les répercussions, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et surtout, on avait le point de vue des Européens, des Américains par rapport à cet événement tragique. Et John Hersey, il a décidé d'aller voir les Japonais et de voir comment les victimes avaient vécu les moments juste après l'impact et après donc, cette dévastation incroyable. Donc il a fait un récit de Hiroshima qui est très factuel, où il suit 6 survivants. D'accord. Et ce numéro qui a été publié en 1946, si je ne me trompe pas, oui, Hiroshima, ça a été un numéro complet de la revue de New York. Et quand c'est paru aux États-Unis, ça a été vraiment... ça a eu un impact énorme. Le magazine s'est vendu en une nuit, parce que les Américains voyaient en fait ce que les gens avaient vraiment vécu. C'était plus une histoire politique, mais c'était l'impact de la bombe atomique du point de vue des Japonais. Et c'est un texte qui nous apprend beaucoup aussi sur le code d'honneur, parce qu'il y a une référence à l'empereur, à la réaction qu'ont eu les Japonais dans les jours qui ont suivi. Donc c'est un texte très éclairant, et donc le magazine s'est vendu, c'était le plus gros succès de l'histoire du magazine. Avec un autre, il y a deux récits qui ont été historiques. C'est celui-là, Hiroshima en 1946, et l'autre, c'est The Fire Next Time de James Baldwin, What It Means to be Black in America. Donc le récit de cet auteur afro-américain qui est sorti dans les années 60. Donc deux numéros historiques qui ont vraiment ébranlé les lecteurs américains. Pourquoi je vous le mentionne ? Parce qu'il a écrit un bouquin avec un certain sens visionnaire qui s'appelle The Algiers Motel Incident. Il est parti d'un fait divers, justement, où des policiers blancs ont tué des jeunes afro-américains. Et ce récit vaut la peine d'être mentionné parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où l'auteur, Percy, avait plus de confidence que les juges et les avocats. Donc il s'est retrouvé dans une situation où les gens se confiaient plus à lui. Et donc, il ne savait plus que faire de cette information. Donc, il s'est laissé pratiquement déborder. Donc, embarras de l'auteur, les témoins lui confient plus de secrets que lors des audiences. Donc, c'est le cas d'un journaliste qui est submergé par des informations qu'il aurait préféré ne pas connaître. Donc, voilà encore un autre dilemme qui peut se passer. Donc, vous avez 3 cas de figure. L'empathie à outrance, la connivence, et puis ici, le journaliste qui se retrouve réceptacle de confidences qui le débordent. Je termine par la citation où il explique aussi sa position de narrateur dans l'histoire. Ça nous fait revenir un peu en arrière par rapport au début du cours. « At this point in the narrative, » donc c'est lui qui parle, « enter myself, reluctantly. I've always before this stayed out of my journalism, even as a manipulative pronoun. » Donc il a une réflexivité sur sa propre pratique. Donc il y a des moments comme ça dans le texte où on sait exactement où se positionne John Hersey. Il est le personnage, mais il prévient son lecteur de son entrée dans le récit et avec quelle posture il entre dans ce récit. Alors, je viens à ce fameux scandale des Rolling Stones, donc sans transition, je saute dans le temps, mais c'est un cas très récent. Vous connaissez le magazine Rolling Stone, qui a un peu plus de difficultés aujourd'hui, qui n'a pas autant de succès que dans les années 70. Le rédacteur en chef est toujours le même, depuis 67, et c'est un magazine qui est sorti au moment de la contre-culture, qui a eu un succès fulgurant, qui était vraiment la revue que les jeunes adoraient lire, parce que c'était pas que sur du rock et de la musique, c'était vraiment le journal de la contre-culture. Et puis, bon, les temps sont devenus plus compliqués. Au niveau musique, ils étaient un peu ringards, un peu à la traîne par moment. Mais c'est un magazine qui a quand même abrité les textes de Hunter Thompson, le Gonzo. Donc, c'est vraiment un magazine qui compte toujours aujourd'hui. Mais par contre, ils ont eu donc, cette expérience absolument atroce d'avoir une journaliste qui s'est complètement laissée gagner par ses émotions. Et donc, l'histoire qui a été publiée s'appelle A Rape on Campus. Alors, vous savez, il y a toujours des rumeurs d'harcèlement, de viol sur les campus. Est-ce que les filles mentent, ça s'est vraiment passé, etc. Donc, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et surtout, l'université qui était concernée, l'université de Virgin, n'avait pas une très bonne réputation. Mais il faut comprendre un peu tous les éléments du récit. Je vous rappelle les faits. Donc, l'auteur s'appelle Sabrina Rubin Adderley. C'était une journaliste confirmée. Qui avait déjà travaillé pour Rolling Stone, qui est très engagée dans son métier. Et que s'est-il passé? Bien, elle est rentrée en contact avec une source qui s'appelle Jackie, et Jackie a déclaré avoir été violée par cet étudiant le 28 septembre 2012. Donc voilà les faits. Alors le contexte, l'Université de Virginia, malgré une excellente réputation au niveau enseignement, a une mauvaise image concernant sa politique en matière de protection des victimes. Donc, si vous voulez, à partir du moment où la journaliste voulait produire une enquête sur ce sujet, elle s'est un petit peu renseignée à travers le pays. On savait qu'il y avait eu des problèmes, donc peut-être que voilà, c'était le lieu où devait démarrer l'enquête et ce reportage sur ce sujet vraiment très particulier. D'ailleurs, l'université avait d'ailleurs un mauvais nickname, UV Rape, UVA, University of Virginia, tellement il y avait eu des rumeurs par rapport à des viols sur le campus. Alors le scandale il est apparu quand des erreurs flagrantes ont été révélées, et donc le Rolling Stone magazine a dû faire marche arrière, a dû s'expliquer, la journaliste aussi, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce que les questions des lecteurs fusaient. Comment est-ce possible de publier un article sans l'avoir vérifié? Voilà, donc vraiment scandale. Et d'ailleurs, sur toutes les télévisions, on a vu CNN, tous les médias américains, ça a fait l'effet d'une tempête. Alors, je rappelle juste quelques éléments, je ne vais pas vous lire tous les détails de cette enquête, mais juste pour vous expliquer que ce n'est pas par hasard que c'est venu à ce moment-ci, parce qu'Obama avait justement signé un texte qui permettait aux universités de mieux gérer ces problèmes de viol, en tout cas de soirée qui tourne mal. Et là, vous avez un petit peu un historique de tout ce qui a été fait en matière de harcèlement et de protection des jeunes sur les campus. Donc, dès 1972, voilà, il y a un Title 11 Education Amendment qui a été passé. Dans les années 80, on a adopté toute une sorte de procédure pour lutter non seulement contre les viols, mais le stalking, donc les gens qui vous harcèlent et vous suivent partout, stalking, c'est très bien. Et puis, bon, avec Obama, il y a eu de plus en plus de pression de son administration pour faire changer les lois et en tout cas protéger davantage les étudiantes sur les campus. Donc le timing est intéressant parce qu'au début de l'enquête de la journaliste, une étudiante a disparu. Et donc, c'était déjà l'université qui était pointée du doigt pour certains manquements. Et il y a eu ce fait qui a encore renforcé l'intérêt du public pour en savoir un peu plus sur cette université, ce qui s'y passait. Donc l'objectif de départ, c'est une enquête. La journaliste voulait finalement rencontrer des jeunes femmes qui avaient été victimes. Alors je vais peut-être un peu vite, mais donc en 2014, Obama, vous le voyez, a fait passer un rapport qui s'appelle Not Alone pour s'assurer que les universités se prémunissaient contre les agresseurs potentiels. Et puis, j'essaie pour les quelques minutes qui me restent de vous faire un petit rapport sur ce qui s'est passé. Donc, le 8 juillet 2014, la journaliste entre en contact avec l'université, avec le service des étudiants, elle a même des entretiens avec la direction, et on lui renseigne cette jeune Jackie en disant que voilà, elle a des choses à dire, à raconter, et du coup, Jackie had this stamp of credibility. Elle semblait une source fiable puisqu'elle son nom avait été évoqué par les services des universités. Et puis, Jackie se confie à la journaliste qui lui fait entièrement confiance. et qui, malgré tout, a certains doutes parce qu'il y a quand même une imprécision sur certains détails. Elle ne révèle pas les noms non plus de l'agresseur qui est l'instigateur de ce viol. Donc elle a quand même des doutes, mais elle se dit aussi, je parle à une victime, donc je dois faire attention. Vous voyez, une espèce de respect mutuel qui fait qu'elle a pris trop de précautions, n'a pas osé aller jusqu'au bout dans son interrogatoire. Alors, de juillet à octobre, elle fait 7 entretiens avec sa source, avec Jackie, mais qui est quand même une source difficile, puisque bon, elle ne se souvient pas, puis elle ne veut pas donner de nom, et puis voilà, donc elle est un peu compliquée. Mais le Rolling Stone est quand même derrière, donc RS, Rolling Stone, est derrière la journaliste, la soutient, y croit dur comme fer, et tout le staff est derrière, et il y a un fact-checker qui passe quand même en action et qui commence à corroborer certaines informations, à vérifier des identités. Toujours est-il que bon, le récit sort, le 19 novembre 2014, publication et impact énorme. Vous voyez combien de lecteurs, 2,7 millions cliquent pour découvrir ce scandale. Alors Jackie, la source, est ravie de l'impact, voilà, on parle d'elle. Mais Adelie commence à vraiment avoir des doutes parce qu'elle revient encore vers elle pour vérifier certaines informations et se sent pas bien parce que voilà, elle ne se souvient pas de l'orthographe, ne sait plus. Voilà. Il y a toujours cette zone d'ombre malgré les encouragements de sa rédaction. Alors, elle arrive à contacter le soi-disant, enfin, en tout cas à vérifier l'identité du soi-disant meneur. Et puis, bon, les doutes ne font que s'accumuler, jusqu'à un moment, les lecteurs commencent à poser des questions, et surtout deux autres journaux, Slate et le Washington Post, se mettent à enquêter aussi, et mettent complètement par terre le récit de Elderly. Donc, voilà, finalement, Elderly va confirmer la perte de confiance totale à ses supérieurs, et il faut qu'il fasse marche arrière, qu'il retire le récit. Et alors, pour se sauver d'affaire, ça c'est un bon réflexe, il demande à la Columbia School of Journalism, donc à New York, de faire l'enquête sur l'enquête. Donc il va y avoir un énorme rapport qui va sortir, et vous le voyez ici, c'est un rapport qui a été commandé par Rolling Stone, donc on a envoyé une équipe pour comprendre les raisons de l'échec, pour faire des recommandations, qu'est-ce qui s'est passé, comment peut-on corriger. Et donc c'est évidemment un rapport affligeant, parce qu'il y a eu trois types d'erreurs. Il y a eu l'erreur du reporting, il y a eu l'erreur du editing et l'erreur du fact-checking. Donc, je vais vous montrer brièvement, mais je vais résumer tout ça. Mais juste pour mentionner les échecs qu'il y a eu, il y a eu des erreurs dans l'enquête. Les amis qui avaient été décrits par la source, en fait, ont été décrits de manière désobligeante, on a mis des pseudonymes plutôt que les véritables noms des protagonistes, donc c'était une première erreur. La fraternity, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les fraternity, ce sont des sortes de cotes d'étudiants où aurait eu lieu l'agression, on n'a jamais été contacté, donc il n'y a pas eu de question précise, enfin pardon, on a été contacté, mais il n'y a pas de questions précises qui ont été posées sur les événements, sur la date, qui était là, etc. Donc voilà. Absence de vérification à ce niveau-là, et le soi-disant instigateur n'a jamais été identifié. Donc, erreur par rapport à l'enquête, erreur au niveau de l'équipe éditoriale, le primary editor n'a pas assez insisté pour vérifier certaines incohérences ou des trous dans l'enquête. Will Dana, l'éditeur, la rédactrice en chef, a carrément démissionné puisqu'elle se sentait responsable de cet échec. La journaliste s'est expliquée, a confié que voilà, elle avait fait trop confiance et que s'était laissée embarquer par ses émotions. Et puis bon, mais voilà, l'université va récupérer 3 millions de dollars puisque leur image a quand même été fameusement abîmée. Donc échec du fact-checking. Et du coup, ça amène certains à se dire qu'aujourd'hui, il y a un tel succès de journalisme narratif qu'on est un peu dans cette tyrannie de la narration. Ou parce qu'on veut toujours raconter des histoires, on veut mettre de l'émotion, eh bien on arrive à ce genre de problème. Et l'exemple du Rolling Stone magazine, du gang rape, est éloquent. C'est le genre de dérive qui peut se présenter parce qu'on veut être dans l'air du temps, parce qu'on pense qu'on a un bon sujet, parce que le contexte est idéal, parce que l'université est justement dans le collimateur, parce qu'Obama vient de sortir quelque chose. Donc il faut mettre tous les bouts ensemble pour se dire « That was the story people wanted to read ». C'était l'histoire que les gens voulaient absolument lire à ce moment-là. Elle tombait à point et voilà, tout le monde s'est laissé embarquer. Beaucoup d'informations. Je laisse une place à Florence Le Cam. Oui. Juste une dernière minute, en fait, pour poursuivre les rapports entre le journalisme et les sources, on vous a mis sur UV un texte du Fabrice Arfi, qui est en fait la préface du livre L'affaire Cahuzac en bloc et en détail. Et une idée du prochain cours, c'est faire le lien entre le rapport aux sources et le rôle social du journaliste. Et pour faire ça, on va commencer le cours prochain par la discussion entre vous et nous de cette courte préface que vous avez déjà sur l'idée. L'objectif, c'est pour essayer de guider votre lecture, c'est de réfléchir et de répondre à ces trois questions. Et donc, la première question renvoie à la question du journaliste d'investigation. Ce que lui appelle Arfi, vous allez voir, il n'appelle pas ça du journalisme d'investigation. Vous vous souvenez, je vous avais montré une vidéo il y a quelques semaines d'Arfi rejetant justement le qualificatif de journalisme d'investigation en disant que c'était du journalisme tout court. Alors là, il parle de journalisme d'initiative, vous verrez comment il est défini. Mais dans cette préface, en fait, il raconte le déroulé pour lui-même de cette enquête. Et donc, il exprime un effet particulier et toutes les traces que ça a laissé en fait, sur le journalisme. La deuxième question, c'est évidemment, ça renvoie au cours de la semaine dernière, il renvoie aussi à la question de la vérité, véritable équation, dévoilement, il le dit évidemment pas comme ça, mais dans le texte, vous allez le voir. Et puis, le troisième élément, c'est que dans toute cette préface, il nous raconte du début à la fin son rapport aux sources. Alors que les sources, ce soit Cahuzac, les services de communication, la justice, ses confrères. Donc il y a tout un processus comme ça qui nous raconte et qui en fait, ce processus pardon, va nous permettre aussi d'approfondir le rapport aux sources dans le cadre du journalisme d'investigation. On commencera comme ça la semaine prochaine. Voilà.